Des îles. Il y en a tellement. Il y a celles qu'on habite peut-être. Un lieu de vie, avec un attachement, une histoire, des enjeux politiques, culturels, une économie, une dimension sensorielle, intellectuelle, symbolique. Il y a les îles qu'on imagine, qu'on idéalise le plus souvent. Ce sont les îles telles qu'on les conçoit de l'extérieur. Des territoires d'exception, des microcosmes, des antimondes. Parce que c'est une géographie isolée, une terre entourée d'eau. C'est un marchepied vers des territoires à conquérir pour les explorateurs et les colons. C'est un lieu de passage pour le touriste continental et ses envies d'exotisme, d'ailleurs, de soleil, de plage. Un lieu d'évasion, fiscale parfois. L'île, c'est aussi la survie du naufragé, du migrant. Et puis, c'est encore le refuge pour les désenchantés du continent. Et puis, il y a aussi plusieurs temps des îles avec leurs imaginaires propres. Le temps des îles du XVIe siècle n'est pas identique à celui des Lumières, défini par la prolifération des utopies et les voyages d'exploration dans les mers du Sud. Hérité de ce temps-là et de celui de la colonisation, notre vision de l'île aujourd'hui est bien souvent un archétype de la différence, des identités cristallisées, de l'altérité, de l'exotisme, du racisme, bref, des constats de forme et de conditions statiques. Encore un lieu où asseoir sa tendance à diviser les espèces et les espaces, les humains, le monde vivant, tous les existants. Notre imaginaire insulaire, c'est bien souvent une vision du monde utilitaire aussi, voire prédatrice, qui puise ses ressources dans l'altérité, dans l'ailleurs. L'insularisme, c'est un mot qui traduit cette propension qu'on a à survaloriser les particularités des îles, alors qu'en réalité, on pourrait les voir comme étant traversées par les mêmes logiques que les espaces continentaux. Pourquoi ce postulat d'une spécificité insulaire? Elle a même donné naissance à la nisonologie, la science des îles, même si elle est quand même très critiquée. Une essentialisation et un exceptionnalisme qui en réalité se déploient et s'incarnent symboliquement partout. Par exemple, ce privilège d'être humain, en d'autres mots, l'humanisme, c'est une conception arbitraire de l'être humain comme être d'exception. Et elle provient aussi d'une vision du monde morcelée, binaire, hiérarchisée, dont nous avons été forgés. Je crois qu'on pourrait dire que c'est une forme d'insularisme. C'est dommage pour l'île, parce que l'île, c'est aussi une géographie. Et la géographie, ça peut servir à faire du lien entre tout ce qui l'habite, les humains, leurs représentations, les animaux, les plantes, l'organique, la matérialité. Comment réconcilier ces espèces? S'intéresser à la matière, aux vivants, aux îles, aux ailes, à la cohabitation, voire la coactivité, au trajet, à la circulation, à ce qu'il y a de continu et d'indéterminé aussi. Pour déconstruire l'exceptionnalisme humain, pensez à l'anti-humanisme relationnel du philosophe Frédéric Nera, qui remet en cause notre déni de la nature et notre mépris des formes de vie non humaines, avec sa figure de l'homo labyrinthus. Un être indéterminé, sans origine ni fin, qui réconcilie toutes sortes d'êtres labyrinthes à forme humaine, tels que le cyborg ou le singe. L'indétermination. On la retrouve bien avant, dans la poétique archipélique d'Édouard Glissant, par exemple. Édouard Glissant, originaire des Antilles, sa définition ambivalente de l'île. Sa pensée archipélique, qui veut essentiellement dénoncer un imaginaire occidental utilitaire, celui d'une archipélité de surface, qui serait l'héritière de l'utopie colonisatrice et qui considérerait les Antilles comme un agrégat d'îles isolées. des lieux de passage ou des étapes, des terres d'avant le continent, sortes de paliers ou d'escales permettant d'atteindre les terres promises dès l'époque des grandes découvertes. Cette vision est propre aux colons européens en position de rivalité toujours avec d'autres puissances. Ils dressent des remparts, conçoivent des couleurs nationales, forgent un sentiment d'identité nationale au cours d'un XVIIIe siècle qui voit ainsi naître l'idée de frontière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Selon May Shehab, experte du travail de Glisson, cette vision n'était pas celle des habitants des îles, qui au contraire les voyaient comme des émergences d'un ensemble continental archipélique où la mer lie plus qu'elle ne sépare, formant un système relationnel souterrain. C'est ici que puise la poétique archipélique de Glisson, qui ne connaît pas de frontières, ni géographiques, ni celles qui séparent les genres littéraires. Elle puise dans la rhétorique du rhizome, des espaces mixtes et complexes, intermédiaires et entremêlés, riches et ouverts. Glisson réalise des îles-textes dans lesquelles s'entrelacent les formes d'écriture par lesquelles il revendique la pluralité et le disparate. Les contraires y coexistent et chaque île-texte communique avec ses sœurs tout en gardant intacte son irréductibilité. L'archipel conjointe alors deux notions contradictoires, l'isolement de l'île et à la fois la liaison de l'ensemble. Archipel. Le terme vient du grec et il désigne d'abord la mer Égée dans son ensemble. L'archipel. C'est le lieu des îles. Il recouvre à la fois le sens de la mer, en Grèce, l'eau, en tant que support, et les îles innombrables qu'elle contient. La pensée archipélique. C'est déjà une étape pour déconstruire l'insularisme et l'exceptionnalisme humain. Cet humanisme, c'est la relation de pouvoir fondamentale et fondatrice des autres relations de pouvoir, celle de l'être humain sur la totalité des non-humains. Une forme d'exclusion que Claude Lévi-Strauss a été l'un des premiers à dénoncer et qui aujourd'hui génère jusqu'à l'autodestruction de l'espèce humaine elle-même, victime de sa propre pollution. Aujourd'hui, la masse anthropogénique, c'est-à-dire la masse des objets inanimés solides fabriqués par les humains, surpasse désormais la biomasse globale, regroupant l'ensemble des organismes vivants, végétaux, bactéries, animaux, etc. L'être humain monologue. Ses gestes et ses conversations sont autarciques, sans lien à un quelconque élément extérieur à l'humain, disons coupé de tout cosmos. Humanité insulariste. Des humains épouvantails, dirait le philosophe Emmanuel Ecoccia. Pendant des siècles, ce que nous appelons la politique a été l'œuvre d'êtres humains qui ont essayé de jouer le rôle d'épouvantail, dit Ecoccia. Effrayer et chasser tous les êtres vivants appartenant à d'autres espèces. Que l'on regarde la manière dont nous avons construit les villes, les forêts, le nom vient du latin foris qui signifie en dehors de. Les forêts sont des camps de réfugiés, le refuge de celles et ceux qui ont été chassés par les épouvantails urbains. La politique a été la tentative de transformer chaque être humain en épouvantail, en un dispositif pour chasser non seulement les oiseaux, mais aussi toute personne appartenant à d'autres espèces pour des raisons d'hygiène et de productivité. Ils sont un paradigme de notre vie. Ils ont également envoûté l'écologie, dit Ecoccia. Depuis le milieu du XIXe siècle, lorsqu'un botaniste anglais a appliqué les catégories du droit commun aux plantes et distingué les véritables citoyens des envahisseurs, l'écologie s'est obstinée à réfléchir sur la relation du vivant à l'espace en termes de territoire et de propriété. Il y aurait des espèces endogènes et d'autres espèces invasives. il y aurait des portions de territoire naturellement destinées à certaines espèces et refusées à d'autres. Même ce qu'on appelle culture, qu'il s'agisse d'objets culturels ou purement techniques, semble ressembler à un imposant léviathan épouvantail qui doit terroriser et éloigner le plus possible les autres espèces des lieux où nous vivons. Toutes les machines semblent être des objets qui ont précisément pour but de chasser et de tuer des plantes, des animaux, des champignons, des bactéries. Et avez-vous déjà vu des animaux vivants dans des musées? Et combien de plantes poussent à l'intérieur de nos théâtres, nos dicotias? Nous avons considéré la nature comme un grand spectacle qui se tient devant nous et dont nous n'étions que des spectateurs, des spectatrices et non des protagonistes. L'historien de l'art Nicolas Bourriaud fait le même constat d'une exceptionnalité humaine ou d'une forme d'anthropocentrisme dans le domaine de l'art contemporain. Il observe que l'art s'est majoritairement préoccupé des cultures et des identités pendant près de 30 ans en réponse au mouvement de globalisation déclenché par la chute du mur de Berlin. Et donc, les artistes se seraient majoritairement focalisés sur des questions de pouvoir ou de différences culturelles, sur des débats entre des groupes humains de plus en plus segmentés, notamment au profit de perspectives postcoloniales. Une forme d'anti-universalisme qui aurait abouti paradoxalement à renforcer la position dominante de l'espèce humaine sur l'ensemble des existants. Mais maintenant, quelque chose semble changer. Ici et là, une forme de décentrement peut-être. Parce que d'après Bourriaud, toujours, nous assistons aujourd'hui à la naissance de la première civilisation planétaire pour laquelle le vivant doit être appréhendé dans sa totalité, et notamment à travers la technologie. En témoigne la production artistique contemporaine si on s'accorde à penser avec lui que l'art est une sphère par laquelle on peut accéder à une intelligibilité immédiate du monde tel qu'il va. Aujourd'hui alors, on assisterait à un repositionnement général des imaginaires en relation à un autre événement, l'Anthropocène, les changements climatiques et les catastrophes écologiques qu'il symbolise. Les nouvelles problématiques qui en découlent dans l'art constituent alors avant tout une prise de conscience plus générale, celle du caractère caduc de la division entre nature et culture qui avait fondé le rapport au monde en Occident depuis l'Antiquité et qui contenait en germe la totalité des ségrégations politiques existantes, le sexisme, le racisme, la colonisation, l'exploitation sociale, la répression sexuelle. L'anthropocène, ou le capitalocène, un autre mot pour responsabiliser surtout les activités humaines issues du monde de production capitaliste, génère aujourd'hui des nouvelles formes d'art que l'on peut comprendre en résistance à l'antimatérialisme du capitalisme globalisé qui déréalise le monde et opère une distinction radicale et coercitive entre le naturel et l'artificiel. Plutôt que l'objet, le produit ou la chose, les artistes de ce tournant moléculaire, comme l'appelle Bourriaud, privilégient désormais la matière dont ils sont faits. La structure moléculaire des réalités matérielles et donc sociales. De la poudre, des gaz, des cendres, des hormones, des minéraux, de la salive, de l'électricité, des insectes, des plantes, des gravats, des filaments. Autant d'abolition de la distinction entre organique et synthétique, des alliages, des collaborations interespèces, des montages chimico-physiques, des nouveaux écosystèmes, des polymères artistiques, autant de brouillages de classification ordinaire et d'exploration des réalités physiques. Selon Bourriaud toujours, sous des formes hétérogènes, On voit arriver aujourd'hui dans les expositions d'art, mais peut-être aussi, je dirais, dans les théâtres ou les universités, le désir de retrouver une relation au monde susceptible de dépasser une relation binaire entre un sujet et un objet, et de nous jeter au cœur d'un monde en pleine reconfiguration symbolique, dans lequel les arbres communiquent entre eux et où l'être humain n'a plus le monopole de l'expression. Il est invité à agir sur un mode participatif, à faire recours à la coactivité entre des sujets composites, indéterminés, sans signature et sans propriété. Commence à émerger ainsi des pratiques post-culturelles en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles renoncent à l'opposition entre une culture populaire et une culture d'élite. Elle renonce aussi à la distinction faite d'ordinaire entre la matière et la forme. Il n'y a désormais plus d'artistes qui donneraient vie à des matières vierges et inertes, mais plutôt des mises en contact entre des matériaux. Ici, le processus compte plus que le résultat, et la circulation est préférée à la condition. Plutôt qu'une instance autonome, le corps humain est un lieu comme un autre, traversé par des forces, et les bactéries, les virus, les parasites, les microbes, les hormones sont des points de contact entre les mondes, facteurs de métamorphose, agents d'une recomposition du visible. Tout se diffuse et irradie dans son environnement, la planète Terre. Alors à la fin, les îles, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, elles deviennent des lieux semblables aux autres lieux, dès lors libérés de leur exceptionnalité. Comme l'humain, on ne leur assigne plus aucune condition.